impress me none. You say you a gangster, ain't seen a thing you done. I do it all myself, I ain't getting help from no one, from no one. Say you a gangster, don't impress me none. You say you a gangster, ain't seen a thing you done. I do it all myself, I ain't getting help from no one, from no one. Billy a 15 piges, le cœur noir sous mes rouges lèvres. 3 heures du mat, crache des molars par la fenêtre. Avision future en Divix sur un écran plasma. Noir métallisé, oui, oui, oui, rêve du dernier classe. Ah, va plus en cours, lui demande pas d'attraper le bus. L'an dernier, son daron s'est taillé, l'aurait dû frapper plus. Veux sa paire de Jojo et son S4. Un grand lui demande une canette, il répond: vas-y, toi, je suis pas ton esclave. Y'a que l'insolence dans ses propos. Dégaine des wesh à sa daronne et c'est la même pour ses potos. Billy t'invente des mots, du genre on prie hommage. Pète de CV, 15 piges premier cambriolage. Levé de bécane, Willy, Willy, Willy mec. Premier bénéfice, premier millimètre. Pour lui son père est mort, maintenant son daron c'est Tony. Écoute pas trop d'un français car la plupart sont des Tommy. Say you a gangster, don't impress me none. Il a pas de respect pour elle. Réponse tardive quand elle lui crie: Billy sort les poubelles, putain. Kiffe qu'on lui dise: Billy, Billy, tu baisses. T'as coup des meufs, wesh poupée, t'es plutôt bonne. Est-ce que tu baisses? Si tu baisses pas, pas des cash s'il te plaît. Attends non, viens par ici et j'te paie. Wesh poto, t'as vu la bécane? Poto, t'as vu la modif? Bah j'les choira, tant que j'y pense. Au fait poto, t'as mon bif. Rien qu'elle jure, oublie vite ce qu'elle promettait. Rêve de Gucci, de Merco, de tasse avec un bonnet. Billy sait que le respect ne s'achète pas. Il se prend, enfin tout s'achète. Et même ce qu'il a pas, il le vend. Parce qu'il s'aime à la feuche, de la feuche au que cra. Billy, Billy pousse la fonte parce que la vie met des queues clas. Se prend pour un crapon, tu touches à combien le kill. Et m'appelle pas Billy, pour toi ça sera Billy le kid. Avoir la tête sur les épaules, mais un Glock 17 caché sous le sweat. 20 qu'il bébarre à ses gravons et à tarpu, à tâcher plus. C'est pris ses deux sans plein hiver, a disparu. Un jour il est parti sans jamais revenir. Certains diront qu'il est devenu ce qu'il devait devenir. D'autres raconteront qu'il s'est fait rafaler. Qu'un soir Billy le kid est mort parce qu'il le fallait. Don't impress me none. You say.